Les infos Fun Radio. Julie Denayer. Bonjour à tous. Il aura fallu 535 jours. Les négociateurs sont parvenus à un accord global hier soir vers 21h au 16 rue de la Loi. Elodie Rupot est sortie des négociations avec un énorme sourire, mais sans aucun commentaire. Aujourd'hui, la journée est consacrée à la relecture de cet accord. Les négociateurs se retrouveront à 15h. Des congrès de participation seront organisés par les différents partis de la nouvelle coalition durant le week-end. La prestation de serment du nouveau gouvernement et le vote de confiance à la nouvelle équipe à la Chambre est attendu pour début de la semaine prochaine. Demain, mieux vaut éviter Bruxelles. Le Front commun syndical manifestera au centre de la capitale pour protester contre l'austérité pour les victimes de la crise. Des milliers de manifestants provenant des quatre coins du pays sont attendus. La police de Bruxelles met en garde contre les embarras de circulation. Mieux vaut éviter le centre-ville et la petite ceinture. Et puis, il faudra aussi compter sur les fortes perturbations attendues sur le réseau tech. Cette manifestation est prévue depuis le 15 novembre dernier. À l'époque, les négociateurs n'avaient pas trouvé d'accord sur le budget fédéral. Celui-ci trouvé depuis ne satisfait cependant pas les syndicats qui ont donc maintenu leur appel à la mobilisation nationale. Le rassemblement des syndicats est annoncé à 9h30 vendredi près de la gare du Nord pour rejoindre la gare du Midi. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida et en 2010 a été une triste année de record pour la Belgique. 1196 nouveaux cas de contamination par le virus VIH ont été diagnostiqués l'année dernière, plus de 3 contaminations par jour. Un record depuis l'apparition de l'épidémie. Le nombre de personnes contaminées par le virus du sida ne cesse d'augmenter. Le taux de contamination chez les homosexuels masculins a doublé en moins de 10 ans, laissant entendre qu'on s'y protège moins bien que par le passé. Standards & Poor's abaisse la note de la Flandre, passant de AA+ à AA. Une entité fédérée ne peut pas, selon l'agence de notation, présenter une note plus haute que celle de l'autorité fédérale. En sport, en Europa League, en phase de groupe, le Standard a rejoint les 16e de finale aux côtés d'Anderlecht en battant Hanovre 2-0. Et miracle pour le FC Bruges qui était mené 3-0 par Maribor et qui est remonté à 3-4. Enfin la météo, pas terrible pour aujourd'hui. Je vous avais prévenu, on sort les parapluies, on va se prendre quelques rafales de vent. Température de 0 à 5 degrés ce matin et de 8 à 11 degrés cet après-midi. Demain, retour de quelques éclaircies. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Dégainé maintenant. Bon, retour sur Humour Noir FM, avec Toff, qui a décidé ce matin d'appeler des pompes funèbres. Bah oui, mais bon, attends, faut bien que quelqu'un s'occupe du corps de ma femme. Non, mais c'est horrible. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je vais pas pouvoir la laisser indéfiniment au congélateur non plus. Ah, mais quelle horreur. Bon, je rappelle qu'il ne faut pas, c'est mal de tuer des gens. Et sa femme également. Oui, nous. Bon, oui, ce n'est pas bien. Bon, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Nous sommes une équipe de professionnels. Ouais, on peut le faire. En attendant, c'est fait. Donc bon, ben, j'ai besoin d'aide d'un spécialiste. Et à part les pompes funèbres, je vois pas qui peut m'aider. Ah, bah oui, bien sûr. Mais c'est sûr que t'avais pas beaucoup de choix, c'est sûr. Hein, les flics, moyennement. On appelle où cette fois? Alors, on avait appelé à Fléron tout à l'heure. Nous allons aller à Wans. Très bien. Bon, eh ben allons à Wans maintenant, c'est parti. Ça sonne. Pas gagné que ça marche, mais ça sonne. Ça va décrocher. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'aimerais bien que vous vous occupiez du corps de ma femme. Oui. Oui. Il se trouve où? Pour le moment, dans le congélateur. Ah oui. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est un petit peu disputé cette nuit. Et donc, voilà, bon, elle a dépassé un peu les limites. Donc, je l'ai remis un peu à sa place, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, voilà, j'en avais assez, je ne pouvais plus la supporter. Et bon, j'ai décidé de mettre fin à tout ça. Elle est décédée quand, monsieur? Elle est décédée cette nuit. Hein. Mais bon, je l'ai mis au congélateur pour qu'elle conserve. Donc, ne vous inquiétez pas. Et vous avez fait venir un médecin qui a fait le constat? Non, bah non, justement, en fait, c'est-à-dire que je voulais qu'on s'arrange pour que, vous voyez, il n'y ait pas de constat, tout ça, quoi. Vous allez commencer par là, vous allez demander à un médecin qui vienne faire le constat. Ah oui, mais c'est-à-dire que moi, je voudrais faire passer ça pour une disparition, vous voyez. Je vous paye. Ce n'est pas notre rôle, monsieur. Nous sommes contraints à toute une série de formalités à respecter. Oui, mais justement, c'est ça que je voudrais qu'on évite, en fait. C'est-à-dire que, comme vous, vous connaissez la procédure, on évite toutes les formalités. Et puis, bon, voilà, le corps disparaît miraculeusement. Ça m'évite... Miraculeusement, vous. Vous voyez, ça m'évite de l'enterrer ou de, vous voyez, de la couler dans le béton de la cave, quoi. Voilà, ben ce serait peut-être la meilleure solution. Ah bon, vous êtes sûr? À votre avis? Bah, je sais pas trop, vous savez, moi, c'est la première fois que je tue ma femme. Oui, mais vous ne l'appuyez qu'une fois, hein. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon... Parce que, en fait, le problème, c'est que j'ai peur que si après, on fouille chez moi, on trouve la dalle, etc., vous voyez. Donc ça va m'abîmer le sol de la cave, et ça me gêne. Oui. Mais vous pensez avoir appelé qui, comme ça? Bah, des pompes funèbres. Ah oui, vous êtes trompé, votre police ici à Rouen. Ah bon? Mais oui. Ah, c'est gênant. Plutôt, hein. Oui. Bah écoutez, je vais vous laisser alors, hein, et puis je vais m'occuper de ma femme. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Voilà, nous sommes en direct de tournée. Comment ça va, Julie? Mais écoute, ça va très bien, mais moi je m'inquiète un tout petit peu pour vous quand même. Non, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je salue encore une fois nos amis de Movistar qui devaient, bon, ils pouvaient pas savoir, mais disons qu'on était censé se connecter sur une box internet qui, malheureusement, ne marche plus. Donc on est en train d'essayer de se connecter chez le voisin. Ah oui. On arrive là, on devrait arriver. Voilà. Mais on vous attend avec impatience, vous me manquez, hein. Oh, c'est vrai, comme c'est gentil. Même Toff? Non, pas lui, non. Non. Très bien. Non, mais ça va fonctionner, vous inquiétez pas. Normalement, ça devrait aller d'ici quelques instants. Bah, en attendant, tu peux animer, Julie, si tu veux. Mais bien sûr, je prends les commandes. Au moment de montrer tes talents, tout ça. Mais c'est un peu moi qui ai saboté, en fait, la borne internet. Ouais, mais ça m'étonnerait pas, tu vois. Ça m'étonnerait absolument pas. Je voulais prendre le pouvoir. Normalement, ça devrait aller. On devrait être là d'ici quelques minutes. Donc voilà, rassurez-vous, tout va bien. Nous sommes vivants, nous sommes arrivés en pleine forme, il n'y a pas de problème. Il y a plein de boules de Berlin, il y a plein de croissants, Julie, il y a plein de coco chocolat. C'est bon pour ton régime, ça. Ben, écoute, j'ai encore perdu un kilo, figure-toi. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai un kilo de rab, ça va plutôt bien. Donc voilà, donc on sera en retour normalement, j'espère, en direct d'ici samedi, 5 petites minutes. Ah, mais super, bon, vous attend avec impatience. Eh ben, nous aussi, je te confirme. Bon, à tout de suite. Et puis, s'il y a un technicien de Movistar qui peut passer au 18 rue Royale à tourner, qu'il n'hésite surtout pas à venir. Hein. Je crois que c'est le moment qui prouve un peu, ouais, son talent. On sait jamais. Bon, allez, à tout de suite. Bah, à tout de suite alors. Hein. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Un camion est en panne sur le 42 Mons en direction de Tournai à hauteur de Basse-le-Corne. Donc en direction de Tournai, c'est la bande d'arrêt d'urgence qui est obstruée au kilomètre 14.1. C'est un camion qui déborde légèrement sur la bande de droite. Et puis accident sur le 40 Ostende en direction de Bruxelles à hauteur de Herpomer. La bande de droite et du milieu qui sont obstruées. Il y a des files à cet endroit. C'est à partir du kilomètre 22.7. Soyez prudents. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Finis les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Bon, et 7h47, on va donc écouter maintenant la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h15, 8h15 et 9h15, les meilleurs messages qui ont été laissés par les plus grands relous de Belgique. Et grâce à vous les filles, puisque c'est vous qui connaissez ce numéro par cœur et qui le refourguez à tous les relous quand ils viennent vous draguer, peut-être en boîte, peut-être dans un bar, peut-être dans un restaurant ou simplement entre copines. Ah, il y en a partout. Hein. Ah, il y en a partout, c'est comme la peste. Même dans un supermarché par exemple. Partout. Bon, donc si vous avez envie de donner ce numéro à tous les relous afin d'être tranquille, vous les filles, 0473 86 0013, on écoute maintenant le premier message. Voilà, bonjour, je suis intéressé par votre... offre, j'allais dire, mais par votre annonce. Donc, je vous ai laissé un message. Vous m'avez renvoyé un message sur ma boîte mail avec votre numéro de téléphone. C'est la deuxième fois que je téléphone, donc je n'ai toujours pas de nouvelles. Voilà. Dites-moi quand, à quelle heure et de quelle façon je dois vous téléphoner. Voilà. J'attends de vos nouvelles. À bientôt. Quand, à quelle heure et de quelle façon, hein. Parce que bon, des fois, c'est que... la façon qui est importante. Voilà. Bon, et là, vous allez vous dire, les filles, même les mecs, oh, ils ont été vaches, il est pas si relou que ça, le petit, etc. C'est sur la longueur, en fait, qu'il est relou. Écoutez bien le deuxième message, c'est encore lui. Bonjour, c'est encore le même garçon. Tu m'avais donné des coordonnées via internet. Donc, je te retéléphone dans 5 minutes si tu es en train de parler. Sinon, je te téléphone demain, disons à 11h, vers 11h. Donc, je te téléphone dans 5 minutes et demain. Je t'embrasse.

C'est vrai. Alors oui, c'est ça le problème. Quand Ovi se mettait nu et qu'elle dansait sur la table. Non, ah non, c'était pas ça, non. On danse pas sur la table. Alors qu'est-ce que vous nous proposez là ? On attend quelque chose. Bon, alors ce que je propose, c'est que bah nous évidemment, bah ce que je bah, nous, propose, on va bouffer, c'est qu'on va s'installer. Hein, puis... voilà, c'est ça. Mais que ça marche. Marchand, hein. Alors Julie, virtuellement, tu voudrais quoi là, manger là ? Virtuellement, bah moi c'est les pains au chocolat. Ça c'est. Les ça, pains au chocolat. Eh bien, ils ont l'air magnifiques. Voilà. Mets-moi l'eau à la bouche. D'ailleurs, je tiens à dire également. Alors tout à l'heure, je vais payer mes factures parce qu'on du coup, on a raté le rendez-vous à 7h10 à cause du problème technique. Ah, mais on a raté plein de choses là. Ah ouais, non mais je sais, non mais on va le refaire tout à l'heure là. Donc si vous voulez vous inscrire, 6322 code facture, et puis on va vous appeler d'ici quelques instants. On a raté aussi l'écran plat, mais rassurez-vous, on va les payer quand même. Et puis on va payer aussi le petit déj pour ceux qui veulent venir là. Ça déborde jusque dehors de la boulangerie hein, quand même. Donc 18 rue Royale, c'est à Tournai. On y est, on vous attend. On sera là jusqu'à 9h30, on ira peut-être jusqu'à 10h pour bah, t'emballe pas quand même pour les petits déj, parce qu'il y a des gens jusque dehors hein. Ah d'accord, ok, ouais, bon, ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une petite pause. Hein. Notre ami Bertrand qui est derrière la table de mixage à ma place, est-ce qu'il est plus beau que moi ou pas, Julie ? Ah bah évidemment, c'est pas compliqué. Hein. Ah, on salue la Ligue Braille également. Non mais voilà. Bertrand qui s'active depuis Julie ce matin. Elle est faillot et elle sait qui est en face de lui. C'est ça. Bon, allez, ce que je propose, c'est qu'on se mette Kate de Luna et on revient juste après. C'est Drop It Low maintenant sur Fun Radio. Je vous rappelle qu'un camion est en panne sur le 42 Mons en direction de Tournai à hauteur de Basse-Sècle. La bande d'arrêt d'urgence est obstruée au kilomètre 14.1. Et puis cet après-midi, à partir de 14h, Bruxelles est un petit peu à éviter car il y a le fameux cortège traditionnel de la Saint-Nicolas. Et puis aussi, je vous rappelle qu'il pleut aujourd'hui, donc adaptez votre vitesse et soyez prudents. Les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti chaque matin sur Fun, 7h, 8h et 9h moins quart, avec les meilleurs messages. Je vous le rappelle que depuis tout à l'heure, donc on peut, enfin je vous ai dit qu'en fait on pouvait un petit peu élargir la ligne anti. C'est vrai qu'on se coltinait pour l'instant à donner cette ligne anti uniquement à ceux qui venaient vous draguer, les filles, etc. Au final, ça peut se donner à tout le monde. Les relous, ils peuvent avoir des métiers, les relous, comme banquier par évidemment. Exemple, comme prof, comme je sais pas moi, le fisc. Mais oh oui, le fisc est un bon relou. Voilà, la police. Alors, ce sont les meilleurs relous. Ah, ouais, c'est clair, ils vont être contents, tiens. Bon, si vous voulez donner ce numéro, il est là pour vous. Ligne anti-relou, 0473 86 0013. Et on va commencer avec le premier là. Oui, coucou, Gislaine, j'ai vu le numéro de téléphone gravé sur un numéro de bus 0403 et voilà, j'aimerais bien faire prise en connaissance. Voilà. Tu es tellement belle, tellement bonne, que j'aimerais bien faire prise en connaissance avec toi, voilà, Gislaine, voilà. Mm-hmm. J'ai fait des énormes gros bisous. Mais oui, et je pense à toi. Donc Sylvain, c'est qui dit qu'il a vu quand même le numéro gravé sur un numéro de bus. C'est quand même délicat, parce qu'il faut quand même monter avec une échelle devant la vitre là, et c'est graver le truc sur le numéro. C'est quand même assez compliqué. Il la trouve super méga belle, il pense beaucoup à elle, elle est super bonne, alors qu'en fait il ne l'a jamais vu que son numéro gravé sur dans le bus. C'est, quoi. Ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est bien. Il est déjà amoureux. Ouais, il est bien ce garçon. Deuxième message. Oui, ma petite Julie, c'est Arnaud, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux bien écouter ? J'ai la kékette qui colle, j'ai les bonbons qui font les bœufs, j'ai la kékette qui colle, j'ai la kékette qui colle, j'ai la kékette qui colle. Allez, ma grande, je te souhaite une bonne journée. Ciao, mon ami. Il voulait dire mon amour, hein, je pense. Hein. Eh bien, ciao, merci, mon ami. À toi aussi, je te souhaite une belle journée. Mais oui, bonne journée à toi aussi. Et c'est bon. Là qu'on voit que Julie a des fans vraiment sympas. Ah, ben bien sûr. Ah oui, non, mais là, évidemment, j'ai les meilleurs. Bien avoir les fans de Julie. C'est vrai. J'ai les meilleurs. Allez, troisième et dernier message pour ce matin. Bonjour, cocotte, c'est Brian. Normalement, il devait me retrouver chez toi, mais bon, tu n'es toujours pas là. D'ailleurs, il y a le vieil homme qui m'a dit que. Il n'y avait pas de jeune fille qui habitait là, donc je pense que tu t'es bien foutu de la gueule. Mais bon, de toute façon, je te retrouverai, dès que je te retrouverai, je te ferai du mal. Ciao. Ah oui, très sympathique le monsieur. Bienvenue sur Psycho FM. Tout à fait, ah oui, très très sympathique. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Les infos Fun Radio. Julie Denayer. Bonjour à tous. Tout d'abord, un train de marchandises transportant des rails a perdu son chargement tôt ce matin entre la gare de Bruxelles Centrale et la gare du Congrès. Tous les trains qui transitent par Bruxelles subissent des retards. Ça y est, il aura fallu 535 jours. Les négociateurs sont parvenus à un accord global hier soir vers 21h. Au 16 rue de la Loi, Elio Di Rupo est sorti des négociations avec un énorme sourire mais sans aucun commentaire. Aujourd'hui, la journée est consacrée à la relecture de cet accord. Les négociateurs se retrouveront à 15h. Des congrès de participation seront organisés par les différents partis de la nouvelle coalition ce week-end. La prestation de serment du nouveau gouvernement est attendue pour le début de la semaine prochaine. Demain, mieux vaut éviter Bruxelles. Le Front commun syndical manifestera au centre de la capitale pour protester contre l'austérité pour les victimes de la crise. Des milliers de manifestants provenant des quatre coins du pays sont attendus. Le rassemblement des syndicats est annoncé à 9h30 près de la gare du Nord pour rejoindre la gare du Midi. La police de Bruxelles met en garde contre les embarras de circulation. Mieux vaut éviter le centre-ville et la petite ceinture. Et puis il faudra composer aussi avec de fortes perturbations attendues sur le réseau TEC. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida. Et 2010 a été une année triste, en record pour la Belgique. 1196 nouveaux cas de contamination par le virus VIH ont été diagnostiqués l'année dernière. Plus de 3 contaminations comptabilisées chaque jour. Un record depuis l'apparition de l'épidémie. Le nombre de personnes contaminées par le virus du sida ne cesse d'augmenter. Le taux de contamination chez les homosexuels masculins a doublé en moins de 10 ans. Standard & Poor's abaisse la note de la Flandre, passant de AA+ à AA. Une entité fédérée ne peut pas, selon l'agence de notation, présenter une note plus haute que celle de l'autorité fédérale. Et puis à l'étranger, hier soir, la Grèce s'est engagée par écrit auprès de ses créanciers, l'Union européenne et le FMI, à prendre toutes mesures nécessaires pour appliquer le plan européen de redressement de son économie. Et puis enfin, en sport, en Europa League, en phase de groupe, le Standard a rejoint les 16e de finale aux côtés d'Anderlecht en battant Hanovre 2-0. Et miracle pour le FC Bruges qui était mené 3-0 par Maribor à un quart d'heure du terme, mais qui a réussi à remonter à 3-4. Côté météo, pas terrible pour aujourd'hui. Je vous avais prévenu, on sort les parapluies et on va prendre quelques rafales de vent. Alors, température de 0 à 5 degrés ce matin et de 8 à 11 degrés cet après-midi. Demain, retour des éclaircies. Voilà pour les infos. On tente toujours de joindre Mickaël à Tournai. On ne perd pas espoir et en attendant, on continue avec le warm-up sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. J'ai dit d'aller te faire foutre. Oui, en toute simplicité, merci à toi d'ailleurs pour ce petit message. C'était tout à l'heure quand on appelait une personne pour le petit canular de toffe du matin. Hein, celui-ci, aujourd'hui, c'est donc vérification de la taille des pénis. Oui, c'est ça. Enfin, c'est la moyenne nationale. C'est ça. C'est-à-dire que je suis tombé sur une étude française. Française, voilà. C'est l'Académie nationale de chirurgie française. Voilà. Qui a donc pris la taille moyenne, qui est d'environ 9 cm, hein, 9 cm et demi au repos, et on va de 12,8 à 14,5 en érection. D'accord. Et tout à l'heure, quand on a appelé, donc effectivement, nous avons eu plusieurs réponses, dont celle-là. Tu as dit d'aller te faire foutre. Voilà. Au bon accueil, bonjour. Allez, c'est parti. On appelle maintenant. C'est une auditrice qui nous a envoyé un petit SMS. Oui. Appelez mon mari. Oui, c'est Isa. Voilà. Isa, on ne sait pas où, mais son mari. Bon, on appelle le mari d'Isa en tout cas. Donc c'est parti. On y va. On appelle à 7h53. Long la détente, le mari d'Isa. Dors peut-être. Ouais, très long la détente. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle suite à une étude qui a été réalisée en France, hein, qui nous annonce donc que la... Je suis à cette heure. Il s'est raccroché au nez. On peut être sûr, cette heure. Non, stop. Le gars a été raccroché, voilà, c'est très pas mal. Ça, ouais. Bon, allez, on va le rappeler. Oui. Il avait l'air tellement gentil. Mais oui. Allez, c'est parti. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Je n'ai pas pu vous demander quelle était la taille de votre sexe en érection. C'est 3 cm. À 3 cm, monsieur. Ah oui, ouais. ce n'est pas terrible. Hein. Ça va faire baisser la moyenne, tout ça. Ben, je sais bien, mais ma femme, elle est contente. Hein. Ah bon, ben, c'est le principal, hein, si au moins ça lui fait plaisir. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie, monsieur. Hein. Il n'y a pas de quoi. Voilà, une bonne journée. Merci, au revoir. Ah, on a bien entendu le connard. C'est un peu le même que l'autre, hein. Ouais, c'est un petit peu le même bah, délire. Il se parle bien avec sa femme, hein. C'est sympa, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, on a pas... je lui ai dit 3 cm. On n'a pas encore une autre amie. Elle va mourir, elle va se casser les couilles de l'autre côté, ça va. Ouais, ça va, ouais. Bon, bah 7h54, on appelle d'autres tout à l'heure. Bah, bien sûr. Bah, très bien. Si vous avez d'autres numéros à me donner, n'hésitez pas. Et piquet de grève H&M, il tourne autour de. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Bon, on va faire chier du monde, donc, ce matin, puisque Toff a vu dans une interview de Louboutin, donc, hein, c'est ça? Oui, c'est Christian Louboutin. Christian Louboutin, exactement, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Christian Louboutin? Il a déclaré que les femmes qui portaient des chaussures à talons avaient... C'était comme avoir un orgasme. D'accord, ok, très bien. Et donc tu vas appeler les gens pourquoi alors du coup pour vérifier si c'est vrai. D'accord. Bon, eh ben écoute, très bien. On va appeler où là, premier appel? Nous allons à Votem. Votem. Allez, c'est parti. Votem pour moi. Bah Votem pour toi. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Décroche pas des masses. C'est le matin. Décroche toujours pas des masses. Allô? Oui, bonjour monsieur. S'il vous plaît. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que j'ai une petite question à vous poser. Vous riez de moi monsieur? Non, pas du tout monsieur. C'est, je n'oserais... Et 6h30 du matin. Je n'oserais pas rire de vous monsieur, enfin. Ça m'intéresse pas monsieur, allez. Mais on vous remercie beaucoup monsieur. Mais je ne vous ai pas... Je ne vous demande pas si ça vous intéresse. Oui, bah, il y a eu ça, hein, la foutue. Ah, bon, on va le rappeler, hein, il avait l'air tellement sympathique. Mais oui, un homme. Et si c'est du matin. Ça va lui faire plaisir. Bon, déjà, il retarde un peu quand même. Hein. Ouais, il faut qu'il mette son réveil à l'heure. Ouais, c'est ça. Allez, on le rappelle. Question, c'est va-t-il mettre autant de temps à décrocher? Bon, s'il habite dans un château, il est reparti de l'autre côté. Allô? Oui, monsieur. En fait, on ne s'est pas bien compris. Je ne vous demande. Ce n'est pas si ça vous intéresse. C'est juste si vous pouviez me dire si vous avez déjà eu un orgasme en portant des chaussures à talons. À talons? Non, à talons, pas à Waterloo. À talons? Oui, à talons. Pourquoi faire? Ben, pour savoir si ça vous procure du plaisir de porter des chaussures à talons. Bon, c'est la dernière fois que vous me téléphonez, hein? Ça va? Parce que je vais porter plainte, hein? J'ai votre numéro, moi, hein? Allez, au revoir, merci. Ah ben, ce serait bien qu'il nous le donne le numéro, parce que nous on n'a pas le numéro de téléphone de la ligne avec laquelle on appelle. Mais enfin, s'il peut nous rendre service, nous, ça nous arrange. Hein. Oh, donc, vous arrêtez, hein. Et sinon, je porte plainte. Hein. Et dis donc, l'autre il va appeler les flics. Ah. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a un gars, ça fait deux fois qu'il m'appelle. Ah, on va les mettre en prison, hein. Guantanamo. Hop là, on va lui couper la tête. Saligo. Bah, tu serais un petit peu énervé aussi si on t'appelait à cette heure-ci. Non, moi je suis réveillé. Regarde. Ah, oui, bah, oui. Donc, si quelqu'un m'appelle, je lui répondrai avec grand plaisir. Ouais, imaginons, on t'appelle samedi, tu vois. C'est en même temps, mon téléphone est coupé, donc je m'en fous. C'est vrai que 7h du mat, c'est grasse mat. C'est un peu grasse mat, hein, maintenant, ah, pour ouais, nous. Hein. Donc ça encore. Ben, c'est ça, donc on est vraiment à la cool. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et nous allons, on n'arrive pas à joindre le commanditaire. Pierre Dor. Oh. Monsieur Pierre Dor. Eh ouais, bah tant pis. Alors, c'est Pierre qui voulait qu'on fasse une déclaration à sa copine. Pierre ou à future copine. Ouais, Pierre de 15 ans. En fait, il sort avec une fille depuis plus de 15 ans. Ouais, de 2-3 semaines. Ouais. Et donc, il sort avec une fille depuis 2-3 semaines. Et elle a 17 ans, par contre. D'accord, bon, on va l'appeler elle alors. Et donc, voilà. Eh en fait, parti. Si tu veux, c'est le meilleur. En fait, le gars qui sort avec la fille, c'est son meilleur pote. En fait, il sortait avec la fille avant, en fait. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Très bien, un peu complexe. Hein. Bon, elle s'appelle Joy, la fille. Donc, on y va, on va l'appeler, c'est parti. Et puis, déclaration express. Donc, c'était Pierre qui voulait faire cette déclaration express à Joy. Et Pierre qui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus réussi à avoir le commanditaire. Là, en l'occurrence, c'est raté. Par contre, ça ne téléphone pas chez Joy, ça m'inquiète beaucoup. Ah, voilà. Je suis légèrement rassuré. Allô Joy? Oui. Salut Joy, ça va? C'est Stick. C'est drôle ça. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, Joy. Je t'appelle de la part de Pierre, tu connais Pierre? Oui. Bah, il avait un petit mot à te dire, tiens, écoute, il a pas eu les couilles de d'être avec nous ce matin là, au téléphone, donc du coup on fera sans lui, mais c'est pas grave. Écoute bien, voilà. C'est ce qu'on appelle la déclaration express. Ça fait pas vraiment longtemps. Ton ex a voulu me péter les dents. Ouais, c'était trop marrant. Il frappe comme un type de 80 ans. Oh yeah. Comment t'as fait pour te le taper? Oh, il est trop laid. Oh yeah. Encore bien que j'avais pas fait un mouflet. Oh, j'imagine pas comment il serait. Ouais, ça fait pas 2 ans qu'on se connaît, se voit de temps en temps. Je sais que tu me kiffes vraiment, même si je suis pas très intelligent. Oh, yeah. Dis-moi comment tu peux me kiffer. T'aimes que les bêtes gavent. Oh yeah. Des cadeaux, je saurais pas t'en payer. Mais tu t'en fous de ça, enfin je crois. Eh ben voilà Joy, petite déclaration de Pierre. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah oui, c'était mignon. C'était beau, non? C'est qu'en fait, j'ai pas compris avec le mec de 80 ans. Bah, non. Ah non, parce non, que mais il avait eu un problème avec ton ex, moi, il m'avait dit. Bah oui, c'était le fait qu'il était plus vieux, c'est tout, mais il avait pas 80 ans, c'était la vanne. Ah, très fort. Ah, oh, mais il oui, c'est. Il frappait comme un homme de 80 ans. Voilà, c'était la vanne. Et ben voilà. Joy, il prend un stick. Hein. Bon, Joy, non, ça a déjà fait cette vanne. Si, c'est pareil, il faut pas la refaire. Joy, je te fais des gros bisous en tout cas, et tu diras à Pierre, tu peux le larguer, puisqu'il a pas eu les couilles de passer avec nous l'antenne, donc c'est un peu heureux, quoi. Donc, t'hésites pas surtout. Hein. Je te fais des bisous, Joy. Bisous. À bientôt et bonne journée. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Les infos Fun Radio. Julie Denayer. Bonjour à tous. Tout d'abord, un train de marchandises transportant des rails a perdu son chargement tôt ce matin entre la gare Bruxelles Centrale et la gare du Congrès. Tous les trains qui transitent par Bruxelles subissent des retards. Ça y est, il aura fallu 535 jours. Les négociateurs sont parvenus à un accord global. Hier soir, vers 21h, au 16 rue de la Loi, Elio Di Rupo est sorti des négociations avec un énorme sourire, sans aucun commentaire. Aujourd'hui, la journée est consacrée à la relecture de cet accord. Les négociateurs se retrouveront à 15h. Des congrès de participation seront organisés par les différents partis de la nouvelle coalition ce week-end. La prestation de serment du nouveau gouvernement est attendue pour le début de la semaine prochaine. Demain, mieux vaut éviter Bruxelles. Le Front commun syndical manifestera au centre de la capitale pour protester contre l'austérité pour les victimes de la crise. Et des milliers de manifestants provenant des quatre coins du pays sont attendus. Le rassemblement des syndicats est annoncé à 9h30 près de la gare du Nord pour rejoindre ensuite la gare du Midi. La police de Bruxelles met en garde contre les embarras de circulation. En plus, de fortes perturbations sont attendues sur le réseau tech. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida et 2010 a été une année triste de record pour la Belgique. 1196 nouveaux cas de contamination par le virus VIH ont été diagnostiqués l'année dernière. Plus de 3 contaminations par jour ont été comptabilisées. Un record depuis l'apparition de l'épidémie. Le taux de contamination chez les homosexuels masculins a d'ailleurs doublé en moins de 10 ans. Standard & Poor's abaisse la note de la Flandre, passant de AA+ à AA. Une entité fédérée ne peut pas, selon l'agence de notation, présenter une note plus haute que celle de l'autorité fédérale. Et puis à l'étranger, hier soir, la Grèce s'est engagée par écrit auprès de ses créanciers, l'Union européenne et le FMI, à prendre toutes mesures nécessaires pour appliquer le plan européen de redressement de son économie. Enfin, en sport, football, en Europa League, en phase de groupe, le Standard a rejoint les 16e de finale aux côtés d'Anderlecht en battant Hanovre 2-0. Et miracle pour le FC Bruges qui était mené 3-0 par Maribor à un quart d'heure du terme, mais qui a réussi à remonter à 3-4.

je sais pas, pour qu'on se voie plus souvent, j'en sais rien. Tu te rappelles pas, je comprends pas, t'avais dit quoi, vraiment. Mais t'as chialé, donc à la fin. Oh, c'est bien. C'était pourquoi une technique pour toi pour qu'on se voit plus souvent. Bah oui, oui, ça marche bien d'ailleurs, ta technique, comme tu peux le remarquer là. Bon, allez, deuxième message. Salut Mimi, c'est Victor. Pour savoir pour faire un plan au cul. Salut Mimi, c'est Nico. Pour savoir pour faire un plan au cul. Victor, il est. Ah, Victor, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Bon, allez, troisième message maintenant. Ouais, salut Emily. Voilà, je sonne de la part de Victor. Écoute, il m'a dit qu'il était intéressé aussi pour le plan, donc voilà, ce serait bien que tu le rappelles. Merci, tantôt. Voilà, donc mais ça c'est parfait, le. Voilà, ça c'est le pote, hein, c'est le pote de Victor qui a rappelé. Comme ça on est tranquille au moins, hein, c'est bien. Bon, si vous voulez vous aussi profiter de ce numéro, la ligne anti-relou, 0473 86 0013. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Voilà, donc la bonne nouvelle c'est que nous sommes toujours à tournée, donc ça de ce côté là tout va bien. Ça va toujours, Julie? Ça va. Oui, voilà, il fallait qu'on allume mon micro. Mais ça va, mais bon, quelle déception quand même. Mais ouais, mais je te confirme. Alors, c'est bon, donc après vérification, j'ai eu nos amis de chez Mobistar au téléphone et ils sont désolés, mais ils sont en panne depuis cette nuit. Ah, super, ça tombait merveilleusement bien. Voilà, donc le problème vient de là. Donc, on a cherché comme des dingues tout ça, mais le problème vient bien de là. Mm-hmm. Donc voilà, bah, désolé à tous ceux qui sont déplacés et qui écoutent là actuellement. Enfin, désolé, en même temps, ils ont bien bouffé, hein, c'est ça, hein. J'ai payé mon petit déj. Ah, ça va, tu l'as fait, tu as tenu ta parole. Ah, j'ai tenu ma parole. D'ailleurs, juste au moment où tu m'as appelé, hop, j'allais manger mon premier petit croc dans une coque à la crème, là. Oui, vas-y, fais-moi saliver. Bonne idée, ça. Non, mais je le ferai après, sinon j'en mets partout. Donc, tous ceux qui sont sur tournée, 18 rue Royale, on y est encore. Donc, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Top est en train de faire le service, là. Il est à la caisse. Il n'a pas accès au billet, mais en tout cas, j'espère, oui, il ne faut pas lui laisser la caisse entre les mains. Hein. Ah non, mais je te confirme. Donc il a son petit tablier, tout ça, on mettra les photos sur le groupe Facebook et sur le Twitter. Voilà, il est super beau, là. Super beau. Donc en tout cas, on remercie tous les auditeurs d'être venus ce matin. Et puis du coup, j'espère que vous avez kiffé le petit warm-up improvisé. Hein. Bah écoute, Bertrand a géré, hein. Bertrand qui est mon réalisateur ce matin, et ben il a géré tout ça, franchement. Bon, voilà, c'était un petit peu triste quand même, hein. Mais on remettra ça. Bah, la semaine prochaine, normalement, on sera à Verviers, mais on y sera réellement. Parce qu'on va prendre deux lignes internet pour être sûr. Ouh là là, gros dossier. Du lourd. Enfin, on vous tiendra au courant. On sera de retour, évidemment, dès demain, à partir de 6h, en direct, évidemment. Voilà. Merci, Mickaël, et bon petit déjeuner. Allez, à tous. Merci. Salut. Les infos Fun Radio. Julie Denayer. Bonjour à tous. Tout d'abord, un train de marchandises transportant des rails a perdu son chargement tôt ce matin entre la gare Bruxelles-Centrale et la gare du Congrès. Tous les trains qui transitent par Bruxelles subissent des retards. Il aura fallu 535 jours. Ça y est, les négociateurs sont parvenus à un accord global. Hier soir, vers 21h, au 16 rue de la Loi, Elieu du Roupaud est sorti des négociations avec un énorme sourire, mais sans aucun commentaire. Aujourd'hui, la journée est consacrée à la relecture de cet accord. Les négociateurs se retrouveront à 15h et des congrès de participation seront organisés par les différents partis de la nouvelle coalition ce week-end. Et la prestation de serment du nouveau gouvernement est attendue pour le début de la semaine prochaine. Demain, mieux vaut éviter Bruxelles. Le Front commun syndicat manifestera au centre de la capitale pour protester contre l'austérité pour les victimes de la crise. Et des milliers de manifestants provenant des quatre coins du pays sont attendus. Le rassemblement des syndicats est annoncé à 9h30 près de la gare du Nord pour rejoindre la gare du Midi. La police de Bruxelles met en garde contre les embarras de circulation et il faudra aussi composer avec les fortes perturbations attendues sur le réseau TEC. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida et 2010 a été une triste année de record en Belgique. 1196 nouveaux cas de contamination par le virus VIH ont été diagnostiqués l'année dernière, ce qui fait plus de 3 contaminations chaque jour. Un record depuis l'apparition de l'épidémie. Et en plus, le taux de contamination chez les homosexuels masculins a doublé en moins de 10 ans. Standard & Poor's abaisse la note de la Flandre, passant de AA+ à AA. Une entité fédérée ne peut pas, selon l'agence de notation, présenter une note plus haute que celle de l'autorité fédérale. La Flandre doit donc suivre la note de la Belgique. À l'étranger, hier soir, la Grèce s'est engagée par écrit auprès de ses créanciers, l'Union européenne et le FMI, à prendre toutes mesures nécessaires pour appliquer le plan européen européen de redressement de son économie. Et puis enfin en sport, football en Europa League, en phase de groupe, le Standard rejoint les 16e de finale aux côtés d'Anderlecht en battant Hanovre 2-0. Et miracle pour le FC Bruges qui était mené 3-0 par Maribor à un quart d'heure du terme, mais qui a réussi à remonter à 3-4. Côté météo, c'est pas terrible pour aujourd'hui, je vous avais prévenu. On sort les parapluies et on va se prendre en plus quelques rafales de vent. Température de 0 à 5 degrés ce matin et de 8 à 11 degrés cet après-midi. Demain, retour et des éclaircies. Voilà pour les infos. Mickaël est toujours à tourner ce matin dans la boulangerie Vienne au 18 rue Royale. On a malheureusement eu quelques problèmes techniques. Vous pouvez toujours aller le rejoindre pour lui faire coucou. Sinon, nous, on continue sur Fun Radio avec le warm-up. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Vendredi, évidemment, on a encore eu droit à un grand moment, évidemment, sur TF1. Hein. Et vous, qu'en pensez-vous? L'amour peut-il être aveugle? Ben oui, justement, tiens, l'amour est aveugle, spécial, psychopathe. Et oui. Bon, pour ceux qui ne suivraient pas encore, l'amour est aveugle, ce sont donc 6 célibataires, 3 filles, 3 garçons, qui se rencontrent dans le noir. Donc voilà, donc si vous deviez rencontrer quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres, vous auriez réagi comment, justement, tiens? Bah, normal, c'est un métier, quoi. Voilà. Eh bien, Thierry, il est comment dire... Choqué? Non, heureux. Ton métier? En fait, je travaille dans les pompes funèbres. Oh. C'est trop bien, tu manages des cadavres toute la journée. Waouh. Bon, si... je crois qu'il vaut mieux avoir peur un peu de ce genre de réaction. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, si vous avez compris, justement, c'est Simon. Simon, il y a 22 ans. Vous pensez qu'on est plutôt fan de qui quand on a 22 ans? Hein? Je sais pas. Si c'est une meuf, je dirais t'es les Britney Spears, Rihanna. Non, là, ouais. Et pour des mecs, je sais pas, moi, Jay-Z. Ouais, pas du tout, écoutez. Je m'appelle Alain, j'ai 20 ans et je suis chanteur, imitateur d'Elvis Presley. C'est mon métier, entre autres, mais c'est pas seulement ça. Elvis, c'est une passion, c'est un exemple pour moi, c'est un modèle. Et oui, Elvis Presley, donc il est fan, hein, il a 22 ans et c'est normal. Mais il normal. Lui semblait pas mal. Hein. Bah, tiens, écoute, oui, c'est vrai. Et grâce à Alain, on va découvrir une nouvelle artiste, écoutez. Ça me fait penser à Amy Winehouse, là, tu vois. Hein, qui? Mais oui. Je remets. Ça me fait penser à Amy Winehouse, là, tu vois. Ah, Amy Winehouse. Amy Winehouse, c'est ça qui veut dire. Amy Winehouse. Mais oui, moi, juste. Amy Winehouse. C'est pareil, c'est dans le monde des sosies, en fait. C'est ça, c'est différent là-bas. Non, mais c'est ça, tu sais, parce que tu sais, c'est Johnny Hallyday, voilà. C'est Amy Winehouse, en fait, c'est les sosies. C'est ça. Bon, et pour finir, la petite leçon de français du jour, évidemment, avec Jessie, la femme idéale. C'est une belle couleur de yeux. Oui, c'est une belle couleur de yeux, exactement. Ouais, oui. Ah, peut-être encore un petit mot pour terminer. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Ah bah tant mieux, écoute. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Ça y est, on a réussi à joindre Mickaël. Mickaël, est-ce que tu nous entends à tourner? Oui, Julie, effectivement, je suis en direct de j'étais tournée. Pour de grandes informations, puisque Mobistar est toujours en panne. Ah bah c'est bien, voilà, c'est... Donc, on n'est pas aidé. Voilà, donc on les remercie. Hein. Bon après tu me diras c'est une panne, ça peut arriver. C'est pas le jour arriver. Quoi. C'est pas le jour, on s'est déplacé le mauvais jour, c'est bon, vraiment allez, dommage. Comment ça se passe là-bas? Voilà. Bah écoute, ça se passe plutôt bien, donc je viens de terminer ma petite couque à la crème. Hein. Oui, combien de croissants à ton compteur? Écoute, j'ai pas compté mais c'est Lob habillé en lapin qui a distribué tous les croissants. Donc, mais ça va, ça s'est bien plutôt bien passé, hein. Ça a été distribué, je pense qu'on a vidé pas mal de plateaux. En tout cas, je remercie. Ah bah apparemment 5 plateaux, donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc je remercie évidemment tous les auditeurs qui sont venus ce matin. C'est à la boulangerie, 18 rue de Tournai, rue Royale à Tournai. Voilà. 18 rue de Tournai à Royale. C'est difficile. Hein. On voit que ça a été dur. Bah, là on a lutté. Bon sens, ça ira bien. Ouais, je sais, ouais, mais bon, écoute, ça ira mieux demain. On sera là en direct à la radio. Vous allez voir, ça va être. On aura ça pas de petit déj. Bon, est-ce que Top s'est bien comporté? Écoute, Toff s'est bien comporté. Oui, ah ouais. J'étais très sage. Je n'ai pas encore fait d'avance à vos charmantes vendeuses. Ah oui, c'est ça. Je me demande. Ah ouais, vraiment sage. Ouais, il a mis son petit tablier. Là, il ressemble à rien, mais comme d'habitude, mais en pire. Ah plus d'accord. Okay. Aujourd'hui. Ouais. J'ai hâte de voir les photos. Ah, tu auras des trucs. Hein. Ouais. Ah ben, on va les mettre sur le groupe Facebook. Alors, j'aurais bien dit, on va les mettre maintenant, mais bon, malheureusement, Mobistar marche toujours pas. Mais dès que nous aurons accès à Internet, évidemment, nous les remettrons avec grand plaisir. En même temps, je rate quelque chose. Mais heureusement que je suis resté ici, moi. Oui, effectivement. Et bon, Bertrand qui pousse les boutons, on réanimé avec un grand talent qu'on lui connaît. Oui, heureusement. Et Bertrand a bien poussé sur les boutons. Et sans lui, on n'aurait été rien, ça c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, je vais ramener quelques petites couques là pour la radio. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent passer aussi à la radio, comme ça, on fait plaisir aux auditeurs bruxellois qui passent dire bonjour. Bah oui, au moins qu'ils fassent ça, qu'ils viennent les récupérer ici à la radio, ce sera plus simple. Bah, voilà. Exactement, ouais. Bon, voilà. Donc, en tout cas, on sera normalement en direct la semaine prochaine. Il y a Mons, il y a Verviers qui est prévu aussi. Mais bon, oh, t'en vales pas. Quand on sera sûr. On verra hein, si Movistar sur ouais, Mesurpat. Ouais. On verra. Bon, voilà. Bon, bah, en tout cas, bah, je vais vous laisser avec le warm-up. Hein. C'est pas la peine de. Je pense que pour le quart d'heure qui reste, on va continuer avec le warm-up, ouais. Ouais. Oh, c'est bien, on se rappelle des souvenirs. Il y aura Lucas juste après, tout ça. On se retrouve demain, les gars. C'était cool. Bon, ouais, on se retrouve demain, ouais. Ciao. Il vous manque déjà ? Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.